Bonsoir, bonjour. Il est 7 h du matin. Ici Manuel Montero. J'ai passé la nuit à faire des collages dont je compte faire les phrases. Du coup, c'est du travail. C'est un travail par poussée, par manie, de façon maniaque. On arrive à faire le travail. Et j'insiste sur les liens avec la prière, avec l'idée de travail en prière de Sainte Bonifacia, la mère Bonifacia, qui a fondé les sœurs de Saint-Joseph. Donc, c'est érotique. C'est érotique, pas tout ce que j'aurais voulu, parce que j'avais pas un matériel très explicite. J'ai travaillé comme d'habitude les noirs et blancs, que ce sont presque la totalité de mes collages sont noirs et blancs, avec des éléments comme des sachets, des petits sachets de sucre de certains endroits. Là, il y a un de l'hôtel Ritz. Ailleurs, il y a le café Gijón, qui est le café littéraire madrilène. Mais surtout, il y a le mélange des sculptures, cinéma et photos personnelles. Mais ça, c'est pour les blancs et noirs, c'est une description un peu froide. Ça frise les sacrilèges, non, d'expliquer un collage quand c'est en fait un geste mélancolique énorme et en même temps porteur d'un grand désir. Surtout si j'ajoute du sucre ou du tabac sur les tableaux, quand ce n'est pas la colle même qui est une sorte de pantoum. Bon, il y a ce côté un peu fétichiste du collage qui se montre d'une façon très intense dans les noirs et blancs. Et puis quand je passe à la couleur, il y a un divertissement, une espèce de joie, des joies de la femme qui échappe. Mais il y a Hercule là qui est à côté, qui préside. C'est le dieu d'Andalousie, c'est de Rome aussi, mais disons, les drapeaux andalous, ils portent l'image d'Hercule. C'est un dieu qui travaille, donc c'est le cas. C'est le cas, les collages, l'art est un travail. En même temps, c'est un dieu qui travaille dans des choses que personne n'est capable de faire, et qu'on lui demande que ce soit justement lui qui va faire face à la férocité, au chaotique, au féminin parfois dans ses formes monstrueuses. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très joyeux chez Hercule, c'est le jeu de l'or. Hercule représente une des figures. Là, je vois qu'en fait, j'ai risque de dériver vers un discours un peu jungien, dans le sens où ça serait de la pure hypnose, de la pure manipulation de la pensée. Mais c'est un peu ça, l'hybris de celui qui découpe des images de l'école. Hein. L'idée des bricoleurs de Lévi-Strauss implicite à l'état sauvage de la pensée, et qui est fondateur du social et du lien, c'est un peu ça. Quand un artiste s'adonne à son désir et à son égotisme, il n'est en train de faire d'autre chose que les bricolages du magicien, les caprices nécessaires à la constitution de la société des hommes.